Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'il y a pas mal d'activités au cours du week-end dans ce secteur et ça a commencé d'abord avec une activité qui est fort populaire à l'autodrome de Saint-Félicien, c'est la traditionnelle course d'enfer. Il y a une centaine de voitures qui ont participé à l'épreuve. 4000 personnes étaient présentes pour la circonstance. Et c'est Francis Girard qui a remporté les grands honneurs dans la catégorie pro. Donc, bravo à cette course qui est de plus en plus populaire et qui gagne en notoriété également. Il y aura une autre course de l'enfer le 31 août prochain. Les activités ont commencé à Roberval concernant la traversée internationale du lac Saint-Jean et en fin de semaine, il y avait le 10 km final. Et chez les filles, notons que Gabrielle Savard de Dolbeau-Mistassini a terminé au 10e rang. Gabrielle Savard qui a terminé avec un temps de 2h13 minutes et 11 secondes. Elle était plus ou moins satisfaite de sa course, c'est ce qu'elle a confié au journal Le Quotidien. On va tenter de lui parler au cours des prochains jours pour en vue évidemment de ce qu'il a fait au 10 km final et aussi pour parler de sa saison. Il y a une autre athlète de la région, Dania Bellil, qui a terminé au 12e rang avec un temps de 2h20 minutes et 47 secondes. Chez les hommes, notons que chez le Longois, Christophe Razowski qui a remporté l'épreuve avec un temps de 1h53 minutes et 28 secondes. Fares Situni a terminé au 2e rang avec un temps de 1h53 et 41 et Dario Verani a pris le 3e rang avec un temps de 1h53 minutes et 44 secondes. Maintenant, Heidi Levasseur, tant qu'elle, tentait de traverser le lac Saint-Jean aller-retour. C'est une première depuis 1989 et c'était mission accomplie pour l'athlète native de Trois-Rivières. Donc, Heidi Levasseur qui avait parti à 20h45 vendredi et a terminé son aventure autour de 18h35 à Beauvert. Ça s'est fait non sans difficulté. Par contre, elle a mentionné au journal Le Quotidien qu'elle a eu des hauts de cœur et à un moment donné, elle a failli abandonner. Donc, mission accomplie quand même pour Heidi Levasseur. Maintenant, il y avait au golf, il y avait évidemment le gros week-end golf en fin de semaine au club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. Par contre, le même club recevait en fin de semaine une omnium qui se déroulait. C'était évidemment une compétition régionale et ça a pris un tour de prolongation qui a permis d'abord à Gaston Jonf du club Lac-Saint-Jean de remporter la compétition avec un pointage de 74. Dans la classe A, Jean-Gaston Guay de Saint-Prime l'emportait avec 80 et dans le 2B, la victoire est allée à Robin Gagnon de Saint-Prime avec 81 et dans le B, ben, c'est Dominique Caouette de Dolbeau-Mistassini qui a été le meilleur avec un pointage de 88. Et au soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient hier dans les différentes ligues de soccer du secteur. D'abord, l'FC de Roberval a défait l'FC du Fjord 3-0. Gain également dans la catégorie 14 du FC Saint-Félicien 4-0 sur Saint-Ambroise. Et victoire dans le senior masculin de Saint-Bruno 4-0 sur le FC de Saint-Félicien. Le sport local et régional à danradiosport.com, on s'en occupe.